S comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Moi, j'aime les musicals. Ces jongleurs, ces danseuses légères. Et le public qui rigole. Quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis. Quand Paris allume ses lumières. Prendre vers 8h30. Un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin. Et déjà là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le musical. C'est le refuge des chanteurs-poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit les chante et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons ding ding dong. Ça c'est du musical. On dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école. Où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la domicile, j'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours, toujours, toujours, toujours, toujours le musical. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. J'aimerais toujours. Voilà donc les topings, il est bien 14h04. Voilà, on a début d'émission avec le monsieur qui nous chante tout simplement. Monsieur chante le musical, c'était Charles Trenet. Voilà donc, et j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis aussi une bonne semaine. Voilà bien, voilà que le soleil est bien du retour. Et bien j'espère qu'il va durer pendant le week-end pour faire un peu plaisir à tout le monde. donc on va rester dans les années 40-50 avec plusieurs chansons différentes. Voici donc qu'elle s'appelle Yann Silis avec tout simplement une valse, une femme. Voilà donc des chansons pour vous faire plaisir. Chanson. Donnez-moi donc de la rengaine, de la chanson qui tout droit viennent du fond des cours, de la joie, de la peine, de la belle amour. Donnez-moi donc du sentiment, pas au bidon, des vrais je t'aime, de fort des ânes, de louche et bême, sentimental, du swing, du rock ou de la java, mais pas du toc, et comme ça, on voit une fille dont le cœur bat, choir dans les bras d'un gars. Donnez-moi de la guitare, de l'accordéon, pas de la romance, de nos salons qui sent le rance, non, celle qui sent bon, oui, de la chanson. Avec ça, je veux bien m'en aller très loin, à Frisco, à Moscou ou à Romorantin. Il y aura bien quelqu'un pour aimer le refrain et s'offrir avec moi un bon bout de chemin. Donnez-moi donc de la rengaine, de la chanson qui tout droit viennent du fond des cours, de la joie, de la peine, de la belle amour. Donnez-moi donc du sentiment, pas au bidon, swing, du rock ou de la java, mais pas du toc. Et qu'au bout de ça, on voit une fille dont le cœur bat, choir dans les bras d'un gant. Ah, donnez-moi de la guitare, de l'accordéon, pas de la romance, de mon salon qui sent le ronce. Non, celle qui sent bon, oui, de la chanson. Donc Jeanne Valenti avec les yeux de Marie-Jo. Quand le soir Pedro descend de la montagne, il s'en va d'un pas léger, le cœur joyeux. La première étoile aux cieux, à Pedro pèle les deux yeux, car c'est bien lui le plus des autres. Mais lui court retrouver sa jolie compagne, qui l'attend au seuil de son humble logis. Et la beauté de la nuit, les étoiles qui sourient, à Pedro font chanter le cœur ébloui. Mais les yeux de Marie-Jo sont plus beaux, ils éclairent nuit et jour notre amour. Ils ont des reflets qui changent lueurs étranges d'un regard d'ange. Oh, les yeux de Marie-Jo, doux et chauds, comme il tombe tout le monde cœur de bonheur. Je sens que sans la magie, toute ma vie serait finie. C'est pour eux qu'il a couru son aventure, qu'il évite à les dangers de son métier. Dans les périlleux sentiers, où vont les contrebandiers, c'est Pedro qui passe. Il les guide par la flamme tendre et pure du regard qui le rendra toujours plus fort. Lorsqu'après un rude effort, il a gagné un peu d'or, c'est pour chanter plus passionnément encore. Mais les yeux de Marie-Jo sont plus beaux, ils éclairent nuit et jour notre amour. Ils ont des reflets qui changent lueur. Oh, les yeux de Marie-Jo, tous et chauds, comme il a combattu le cœur de bonheur. Je sens que sans leur magie, toute ma vie serait finie. Pavés mouillés traînent des lueurs sans joie d'une fille va pleurant sous la pluie et pense encore à toi qui disait que tu l'aimais plus que la vie. Qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Te souviens-tu le jour où tu l'as connu? Ça t'a coûté de l'argent, mais ça t'a fait du bon temps. C'était un fameux samedi. Les lampions de la baraque ont frite, où tout va vite. Au son de l'accordéon tournait en rond. Elle admirait la façon dont il visait et tirait et gagnait de jolies fleurs à 100 sous qui faisaient des colliers choux. Tu passais autour de son cou. Les petites autos stamponnées, stamponnées près du billard japonais et l'Indien qui se disait grand magicien. Vous sortez des trucs de rien en faisant 36 000 tours. Près des nougats, les chevaux de bois descendaient, remontaient, et tout ça se terminait au bastringue où l'on s'en donne, dans les coins sombres où l'on se donne, en faisant le coup du grand amour. Mais t'as fait un peu trop de caresses, de fausses promesses, au rythme du piano qui jouait faux. Comme une simplette, la fillette, enivrée par les grands mots, elle y a cru un peu trop, si bien que quand tu es parti, elle n'a vraiment rien compris, sinon que c'était fini. Dans les rues, sur les pavés mouillés, traînent des lueurs sans joie. Une fille va pleurant sous la pluie et pense encore à toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Anne Chapelle. C'est dans l'aube. C'est à l'aube, on achève les blessés, qu'on réveille les condamnés qui ne reviendront jamais. C'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on regarde son destin dans les yeux. À la croisée des chemins, les hommes crispent leurs poings pour l'adieu. C'est à l'aube de demain. Mais à l'aube que se meurent les amours, que l'on renie les toujours, qu'on va se lever le jour. C'est à l'aube. Dans un coin malheureux, c'est l'heure où ma pauvre main cherche vainement ta main d'homme heureux. C'est à l'aube de demain. Mais à l'aube, renaissent tous les espoirs et l'amour des grands départs vers des pays de hasard. Mais à l'aube, s'éveille des lendemains sur des océans lointains merveilleux. Dans la gloire du matin, j'ai le monde dans ma main, ah mon Dieu. Car c'est l'aube, c'est demain chasse, s'il me rappelle tout à coup, tout s'efface et tête basse, je reviens car quoi qu'il fasse, aïe aïe aïe, je l'aime et puis. c'est tout. Il aime bien vivre, dormir au soleil, et dit en riant que le travail c'est pour les fous. Et quand il s'enivre, c'est toujours pareil. Il est si heureux qu'il chante, danse et casse tout. Il prétend qu'il est riche à millions. Sa fortune est faite d'illusions. C'est faire pour me plaire des choses extraordinaires. Et sachant qu'il est un peu fou, je tolère ses manières car je ne puis me refaire. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Voilà donc, eh bien, vous avez pu entendre tout simplement, elle s'appelait la chanteuse avec Maria Vincent. Et puis donc, voici, il s'appelle plutôt, elle s'appelle Yvon. Le titre s'appelle, je vous dirai ça, juste après. Là-bas, dans ma blanche hacienda, sous le ciel de Mexico, seul dans l'ombre un tendre cœur bat, et le mien lui fait écho. Jour après jour, qu'il est long le retour, et je me croise à chaque pas. Là-bas, dans ma blanche hacienda, où m'attendent mes amours, dans la pampa, sous un ciel de feu, un cavalier va rêvant, et sur ses pas, un refrain joyeux s'enfuit dans le chaque pas. Là-bas, dans ma blanche hacienda, où m'attendent mes amours. Juste à l'instant, j'ai pu entendre tout simplement le titre de Jean-Claude Pascal avec ma blanche Orianda. Et puis donc, voici la chanteuse. Elle s'appelle Suci de l'air avec La Foule. Des bruits de pas, des chansons et des cris, sourdes rumeurs dans les rues de Paris, dans toutes les villes du monde, dans toutes les rues de la vie. La foule ainsi que l'océan, et pousse aveuglément sa houle. C'est vous, et puis c'est moi, ce n'est ni vous ni moi, c'est tous ceux qui sont là en foule. La foule des milliers de destins, de joies et de chagrins, rassemblés d'un seul coup. La foule toujours prête à gueuler, toujours prête à aimer et surtout à danser. La foule. Ses amours, elle est comme un enfant, comme une femme au cœur simple et changeant. Elle aime avec frénésie, mais elle oublie ses amants. La foule qu'enferme les bureaux, aux terrasses des bistrots ou devant les camelots, elle roule. Quand tombe la nuit dans le métro qui s'enfuit, c'est le sang de Paris qui coule. La foule, c'est dans chaque maison, avec un plat de chansons battant à l'unisson. La foule, c'est sur tous les chemins des gens qui devraient bien se tenir par la main. La foule. Donc voici notre chanteuse, elle s'appelle tout simplement Irène Falca et le titre Est-ce ma force ? Plutôt Est-ce ma faute ? Éteins la lampe, écoute-moi et surtout ne dis pas un mot. Ce soir c'est la dernière fois que nous chantons notre duo. Voilà c'est bref et c'est brutal, non je ne pourrai plus rester. Évidemment ça te fait mal, mais je te dois la vérité. Est-ce ma faute à moi si j'ai connu d'autres ivresses, d'autres caresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras? Est-ce ma faute à moi lorsque tu me dis des mots tendres, si je ne sais pas les entendre, s'il me les a dit avant toi? J'ai beau te trouver plein de charme et reconnaître avec des larmes, ton bonheur ne touche pas mon cœur. Est-ce ma faute à moi si je l'aime encore près de toi? N'allume pas, je vais partir et ne me retiens pas surtout. N'évoque pas les souvenirs, ne parle pas comme un grand fou. Allons, il faut bien en finir, qu'un jour ou l'autre tu l'aurais su. À quoi bon vouloir m'attendrir? Les fausses joies, je n'en veux plus. Est-ce ma faute à moi si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras? Est-ce ma faute à moi si j'ai joué la comédie? Allez pas me donner ta vie, je ne te la demandais pas. Je l'ai chassée de ma mémoire, mais je n'ai pas pu l'oublier. En ton amour j'ai voulu, tu n'as pu le remplacer. Est-ce ma faute à moi si je l'aime encore plus que toi? Salvador, Papa Love Mambo. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Et quand à grand-papa, on ne le reconnaît pas, dès qu'il entend cette aile-là. Wow. Il aime le mambo, il danse le mambo. Il saute sur grand-maman, il la prend dans ses bras, et je vous jure qu'il ne s'embête pas. Il s'élance, elle bondit. Il s'avance, elle s'enfuit. Il se relance, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée. Wow. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Mais avec grand-papa, ça ne le pille pas, c'est une vraie corrida. Wow. Il aime le mambo, il se fout du tempo. On n'a jamais vu ça, ça vaut le cinérama, le mambo de grand-papa. Wow. S'avance, elle s'enfuit, il se relance, attention, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée. Wow. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Mais avec grand-papa, ça ne roupille pas, c'est une vraie corrida. Wow. Il aime le mambo, il se fout du tempo. On n'a jamais vu ça, ça vaut le cinérama, le mambo de grand-papa. Wow. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Descobertas. Descobertas. Um programa na Rádio Arc-en-Ciel com apresentação de Fernando Martins. Descobertas. Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Com Fernando Martins. Fernando Martins. Pluriel. Proposée par Manu tous les vendredis entre 19h et 20h30. Donc juste après, vous allez retrouver tout simplement entre 20h30 jusqu'à 22h-23h. Et ben, plutôt minuit, voilà, minuit avec l'émission de Maïka, avec Almino. Donc, il sera aussi des invités dans son émission. Et puis pour le matin, donc à partir du samedi matin, eh bien vous allez retrouver l'émission. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina. Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Voilà pour les émissions, mais il y en aura d'autres que je vous dirai tout à l'heure au cours de l'émission. Voilà, bien, je vous laisse avec quelques morceaux différents. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Je t'aime. Reviens, car un jour sans toi, c'est un jour sans joie. Mon amour est toujours le même. Reviens, car un jour sans toi, c'est un jour sans joie. Les jours me sont lourds, tout mon cœur est là. Pourtant je t'attends au temps des lilas. Querida, querida, je t'aime. Reviens, car un jour sans toi, c'est un jour sans joie. célébrant le tango de notre amour. Viens me confier tout bas les secrets de ton cœur lourd. Au rythme de la danse, les mots nous semblent encore plus tendres. Et mon cœur sans défense s'émeut des phrases qu'il aime entendre. Même si cet instant n'apportait qu'un faible espoir, même si ce roman ne devait durer qu'un soir, le récit douce, si captivante, quand tu es dans mes bras, et tout pour si captivante quand tu es dans mes bras, que cet instant est tout pour moi. Minute exquise et troublante à la fois, où mon cœur vibre et ne bat que thank you. on dit que c'est Père Angeleur. Digidim, digidim, digidim, dom dom, à plus d'une a donné le bonheur. Arc-en-ciel, découvrez la passion de la musique. Voilà donc bien le retour avec les chansons souvenirs et voici Jean-Pierre Duget avec C'est le printemps. Si joyeux, pourtant je suis malheureux. D'où me vient tout ce tourment? Oh mon ami, c'est le printemps. Les choses que j'aimais, je ne les aime plus. Je veux un tas de choses que jamais je n'avais eues. Je ne comprends pourquoi j'ai perdu tout entrain. Je prétends être très brillant et je ne sais plus rien. Agité comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout m'irrite en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé et sans courage, impatient, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour, et peut-être en m'évadant ainsi, y trouverai-je l'amour. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, l'aubépine, la jacinthe et les lilas blancs, en bas me chante le romance. Douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux, pourtant je suis malheureux. D'où me vient tout ce tourment? Oh mon ami, c'est le printemps. Voici donc le titre La vieille rengaine avec Marie Doget. La vieille rengaine que l'on croit fanée, chantée sur le boulevard par un vieux clochard, vient nous dire bonsoir. Et cette rengaine soudain fait valser les peines d'antan, les joies d'un moment, de tous les passants. En ce temps-là, bercé par la musique nostalgique d'un pauvre piano mécanique, les amoureux sont payés et dansaient sans arrêt pour deux pièces de monnaie. La vieille rengaine que l'on croit fanée fait bien des petits tours, mais revient toujours chanter nos amours. Elle court dans Paris au bras d'un titi, mais un jour elle s'en va sur un grand bateau avec le matelot qui l'emmène à Cuba. Puis dès qu'on l'oublie, elle revient sans bruit et sur le coup de minuit, elle nous retombe dessus dès qu'on ne l'attend plus au coin de la rue. La vieille rengaine que l'on croit fanée, tout en se promenant, offre un peu de printemps à tous les braves gens. Puis au bout de la semaine, elle va faire chanter les jeunes amants qui jurent tendrement de s'aimer tout le temps. Moi, quand j'entends cette étrange musique, j'ai le cœur qui bat comme une mécanique. Et je revois les baisers passionnés qu'un soir en danse, tu m'as donné la vieille rengaine que l'on croit faner. Renaîtra toujours au coin du faubourg pour chanter l'amour. Quand j'entends cette étrange musique, j'ai le cœur qui bat comme une mécanique. Et je revois les baisers passionnés qu'un soir en danse, tu m'as donné la vieille rengaine que l'on pourra faner. Renaîtra toujours au coin du faubourg pour chanter, pour chanter, pour chanter, pour chanter l'amour. Voici donc qu'elle s'appelle Nina Cara avec « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, que ça me donne envie de crier et de chanter sous tous les toits qu'il est à moi rien que pour moi. C'est merveilleux un grand amour quand c'est basé sur du toujours. Pour rien mon cœur est malheureux, pour encore moins il est heureux. Et quand ça me prend y'a rien à faire, je l'aime tant, c'est merveilleux. Je ne vis plus sur cette terre quand je rêve à ses yeux, à ses yeux bleus comme l'azur, à ses cheveux d'un blond si pur. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, mais qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que j'ai. L'amour c'est vraiment extraordinaire, je ne suis plus du tout sur cette terre. Toutes mes amies maintenant se moquent de moi, car au plus loin que je les aperçois. Allons ça y est, me revoilà reparti, il a cela, il a ceci. Oui oui qu'elle dit, je sais très bien, ces idiots-là n'y comprennent rien. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, que ça me donne envie de crier et de chanter sous tous les toits qu'il est à moi rien que pour moi. C'est merveilleux un grand amour quand c'est basé sur du toujours. Pour rien mon cœur est malheureux, pour encore moins il est heureux. Et quand ça me prend y'a rien à faire, je l'aime tant, c'est merveilleux. Je ne vis plus sur cette terre quand je rêve à ses yeux, à ses yeux bleus comme l'azur, à ses cheveux d'un blond si pur. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer, mais qu'est-ce que j'ai, oh, mais qu'est-ce que j'ai. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Nick Power avec chanson Son Bonheur. Il faut à la rose un rayon de soleil pour ouvrir au jour son cœur vermeil. Chacun son rêve de bonheur et le mien c'est vous. Vivre sans vous, vivre sans votre amour, c'est la fleur privée de jour, c'est le cœur sans amour. Il faut à la rose un rayon de soleil pour ouvrir ouvrir au jour son cœur vermeil. Chacun son rêve de bonheur et le mien. Il faut aux chansons des soupirs et des aveux. À l'amour, il faut un tendre feu. Chacun son rêve de bonheur. Le mien, c'est vous. Si l'abeille a besoin du parfum des fleurs pour donner au miel sa saveur, l'oiseau a besoin du ciel radieux qui rend son chant plus joyeux. Il faut à la lèvre un baiser plein d'ardeur pour savoir que le désir peut tout. Chacun son rêve de bonheur. C'est vous. C'est pas de notre faute, nous, les blédards. Si quand on revient de la belle Afrique, on saoule la gueule comme des bourriques, c'est parce qu'on a des coups de cafard. On cherche à retrouver les images que le moulana qui brille là-haut nous a foutu dans le ciboulot. On les retrouve plus. C'est bien dommage. Viens me réchauffer, viens donc la belle, j'ai froid dans le cœur. T'as la peau douce et ça me rappelle des tas de bonheur. Viens tout près de moi, viens donc la fille. T'as une belle bouche, t'as l'air gentil. Et dans tes yeux, c'est beau comme tout. Bon Dieu, je suis saoul. Y'a que lui pour connaître son pouvoir, au grand soleil comme vous y dites. Faut le voir là-bas cet hypocrite, comment qu'il fait pour vous avoir. Il vous bâtit des cathédrales en plein désert, bon Dieu que c'est beau. Il plante des fleurs où qu'il n'y a pas d'eau, quand on approche, y'a pas de balle. Viens me réchauffer, viens donc la belle, j'ai froid dans le cœur. T'as la peau douce et ça me rappelle des tas de bonheur. Viens tout près de moi, viens donc la fille. T'as une belle bouche, t'as l'air gentil. Et dans tes yeux, c'est beau comme tout. Ah bon Dieu, je suis où? Il nous met de l'amour plein la peau, il nous caresse, nous illumine, et puis le salaud nous assassine, pend d'un seul coup sur le caberlot. Alors on revient, c'est de la folie, on veut se guérir, mais on ne peut pas, on cherche nos rêves, on est à plat, et c'est comme ça, pour toute la vie. Viens me réchauffer, viens donc la belle, j'ai froid dans le cœur. T'as la peau douce et ça me rappelle des tas de bonheur. Viens tout près de moi, viens donc la fille. Fais voir tes yeux, mais rien n'y brille. T'as rien compris à mon tourment. On chantera toujours. Voici donc que s'appelle Nina Margi. Saint-Germain des Prés. Mais les étrangers qui s'emballent vous disent d'un ton émerveillé aux monuments sont historiques, splendides sont vos Champs-Élysées, mais vos petites femmes sont magnifiques, très fières alors vous répondrez. Y a rien de plus joli qu'une petite môme de Paris, avec son petit nez, son petit sac, son bibi. Elle n'est pas farouche, mais faut pas qu'on touche. Sans faire de chiquet, elle se fait respecter. Ça n'a pas de prix, une petite môme de Paris. Ça se moque des dollars, des sterling ou des louis. Faut pas qu'on se méprenne quand elle dit « je t'aime ». Son cœur a choisi, c'est Paris qui dit oui. Tous les gars de la grande ville, qu'ils soient mécanos ou banquiers, qu'ils soient d'Auteuil ou de Belleville, ont sur un point la même idée. Remplacer dans les capitales nos ambassadeurs décorés, l'idée serait originale d'avoir pour nous représenter le minois gentil d'une petite môme de Paris, avec son petit nez, son petit sac, son bibi, avec son sourire, même sans rien dire. Les plus grands projets seraient vite adoptés. Il est bien certain que la petite môme de Paris révolutionnerait toute la diplomatie. Même les plus rebelles voteraient pour elle. Elle est si mimi, la petite môme de Paris. Nous savons qu'en France, toutes les femmes sont jolies, quel que soit le coin de notre beau pays. Qu'elles soient brunes ou blondes, qu'elles soient minces ou rondes, elles ont un attrait que l'on n'oublie jamais. Elle viendra du nord ou peut-être du midi, celle que vous croiserez un jour rue de Rivoli. De jolies fossettes, un bouquet de violettes, et cela suffit. Vous en serez épris. Il n'y a rien de plus joli qu'une petite môme de Paris. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. C'est pour tout simplement Florian. Voici donc quelques morceaux pour Florian. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Sempre tive a meus pés muitas mulheres, muitos amores. Conheci uma francesa que me dizia ser a melhor. Já queria viver comigo, ter muitos filhos, que amor perfeito. Só falava em se casar na sua terra natal, só por isso eu não aceito. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Conheci uma angolana, uma baiana, outra escocesa. Mas cheguei à conclusão que a solução é ficar com a portuguesa. Ser do sul ou ser do norte, quero é ter sorte e ser feliz. De todas tenho saudade, pois eu quero é na verdade casar no meu país. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. É faz, faz pra cá, é faz, faz pra lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. Vamos ver o que estudar. O meu amor é sensual, mas tem um jeito que me deixa bater mal. Gosta de mim, é a valer. Diz-me que não se tira uma foto com ele. Não gosta de internet, nem quer o Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tu só tens que sorrir. E bem juntinho, uma selfie vou tirar. Flash, flash para cá, é flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. É flash, flash para cá, é flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estudar. O meu amor é bom demais, só que não liga nada às redes sociais. Gosta de mim, sei que é só meu, mas para as fotos, ai Jesus, valha-me Deus. Não gosta de internet, nem quer o Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tu só tens que sorrir. E bem juntinhos, uma selfie vou tirar. É flash, flash para cá, é flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. É flash, flash para cá, é flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estudar. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voilà donc, retour avec tout simplement les chansons. Donc, souvenir, il s'appelle Robert Mania et le titre Dingshire. J'ai fait sa connaissance dans un bar un soir simplement. Ce fut le hasard d'une danse qui le fit devenir son amant. Il avait de jolies manières, du tact et beaucoup d'instruction. Sachant faire de bonnes affaires, c'était là toute sa profession. Comme elle avait un peu d'argent, ils se mirent en ménage tranquillement. On l'appelait le dénicheur, il était rusé comme une fourmille. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait des combines. Il vivait comme un grand seigneur, et quand on rencontrait sa dame, sur toutes les gammes, voilà la femme à dénicheur. Les combines, ça dure, que ça dure. La chance tourne et puis s'en va. On perd le goût des aventures quand le noir vous suit pas à pas. N'ayant plus confiance en lui-même, un soir qu'il était sans un sou, afin de résoudre le problème, le dénicheur fit un sale coup. Mais comme il rentrait au logis, en pleurant, son ami lui dit: on t'appelait le dénicheur, toi qui étais rusé comme une fourmine. Je croyais trouver le bonheur près de toi avec tes combines. Adieu, c'est fini, pars sans peur. Je saurai souffrir et me taire. Malgré mon chagrin, je préfère abandonner le dénicheur. Voici donc il s'appelle Raymond Girard. Girard avec le mot qui s'appelle titre au bord de la Tunis. De la Tamise, quand vient le printemps, on voit les amants marcher doucement, tandis qu'avec la brise, sur les flots d'argent, glissent des bateaux tout blancs. Coquette bien faite, grisette qui guette le cœur d'un beau garçon. Courbette, causette, voilette, discrète, cachant bien des frissons. Au bord de la Tamise, les petits chemins connaissent soudain tous ces petits riens qui font faire des bêtises au premier beau jour à ceux qui s'aiment d'amour. Et mon cœur comme un fou entend tout à coup: darling, darling, I love you. Puis soudain je revois les heures d'autrefois où vous étiez près de moi. Au bord de la Tamise, tous deux nous allions froisser ton jupon sur le vert gazon. Et quand tombait la brise, il faisait si doux que le monde était à nous. Tu m'aimes, quelle veine, je t'aime de même. Hélas, tout n'a qu'un temps. L'extase, les phrases, tout passe, tout casse. Ailleurs, la vie nous prend. Darling, I love you toujours. Voici donc aussi, c'est tout simplement une chanson un peu triste pour lui, c'est Jean Donnet avec ce soir Mon cœur est lourd. Ce soir mon cœur est lourd, dis-moi des mots d'amour. J'ai besoin d'oublier, j'ai besoin de caresses. Je ne veux plus lutter, mais rêver de tendresse. Dis-moi des mots d'amour. Mon cœur est lourd, ce soir mon cœur est lourd. Dis-moi des mots d'amour que j'oublie sans retour. La misère et la haine que j'oublie pour toujours. Toute souffrance humaine j'oublie jusqu'au jour. Ceux qui n'ont pas d'amour, dans le chant de la pluie j'entends la litanie de ceux pour qui la vie n'est que peine infinie. Qui s'appelle Colette Mars à la pierre blanche. La pierre blanche dans la vieille carriole, tu m'avais emmené. À la pierre blanche, il n'y a que champ de blé. Le petit âne trottait, ça sentait comme le muguet. Et moi j'étais bien près de toi, ah, ah, je t'aimais déjà. Et du ciel bleu, tout bleu là-haut, tombaient des chants d'oiseaux. Mon cœur battait comme un tambour, de quoi nous rendre sourds. La pierre blanche, tout près du vieux moulin, là on s'est arrêté. À la pierre blanche, tu m'as dit j'ai du chagrin. Le petit âne rêvait quand tu m'as prise par la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée dans un champ de blé. Et du ciel bleu, tout bleu là-haut, tombaient des chants d'oiseaux. Après je ne me souviens de rien, sinon que j'étais bien. La pierre blanche dans la vieille carriole, tu m'avais emmené. À la pierre blanche, t'as perdu ton chagrin et moi un petit rien. Elle s'appelle Rose Avril et le titre c'est Muchacha. La mer chante au pied des jardins, la brise embaume le jasmin. Il y a bal sur la pelouse chez Muchacha l'Andalouse. Muchacha est la reine du bal dans sa robe. Muchacha a le regard fatal et son sourire en flamme. Elle rêve de folie, celui qu'elle est mal oubliée. Ses pieds nerveux et cambrés frappent le sol en cadence. Tous les hommes sont troublés par la volupté de sa danse. Oh, oh, oh, oh, Muchacha, trouve l'amour banal et n'a plus d'idéal. Muchacha, de son premier amour est bien mort pour toujours son cœur sentimental. Elle a des coffres remplis d'or, des présents, des riches trésors, une vierge noire authentique et des bijoux magnifiques. Muchacha est la reine du bal, chaque soir elle danse. Muchacha, de son regard fatal, recherche une présence. Elle rêve de folie, celui qu'elle est mal oublié. Ses pieds nerveux et cambrés frappent le sol en cadence. Tous les hommes sont troublés par la volupté de sa danse. Oh, oh, oh. Natacha n'a plus qu'un seul désir, c'est de faire souffrir Muchacha et faire mourir d'amour pour ses yeux de velours. Y'a que pour son plaisir, y'a que pour son plaisir, rien que pour son plaisir. Il s'appelle Guy Souverain, voilà, et puis le titre Mon nom cache ni à mort. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Ma chérie, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous le beau ciel andalou. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Les étoiles te regardent, t'apportant des rêves d'or. Auprès de toi, mon cœur s'attarde. Et demain, tu verras que la vie contient toutes les joies. Quand l'aurore succède à la nuit, c'est l'espoir qui fleurit sur la terre. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Avec un tout petit bagage fait de baisers et de serments, prenons pour guide du voyage une étoile du firmament. Partir, partir ensemble, quand le bonheur nous rassemble au gré du vent si mouvant. Partir tout en rêvant. Partir, soit infini, où nos deux cœurs communient dans la chanson qu'un pinson chante dans le buisson. Et sur ce thème, l'écho répond, je t'aime, je t'aimerai toujours, dit mon cœur à son tour. Partir, partir ensemble, ta main si douce qui tremble. C'est bien l'aveu que tu veux partir seul tous les deux. Si, comme l'a dit le poète, partir seul, c'est mourir un peu. Joyeusement, mon cœur répète que vivre, c'est partir à deux. Partir, partir ensemble, quand le bonheur nous rassemble. Au gré du vent si mouvant, partir tout en rêvant. Partir, joie infinie, où nos deux cœurs communient, dans la chanson qu'un pinson chante dans le buisson. Et si on se t'aime, l'écho répond, je t'aime. Je t'aimerai toujours, dit mon cœur à son tour. Partir, partir ensemble, ta main si douce qui tremble. C'est bien l'aveu que tu veux partir seul tous les deux. Partir ensemble. Voilà, donc juste à l'instant, vous avez pu entendre tout simplement. Il s'appelait Maurice, non pas Chevalier, mais puis si, c'est plutôt. On écoutera juste après tout à l'heure Maurice Chevalier, mais c'était André Pastoc, voilà, pour André, avec le titre Partir ensemble. Et puis voici tout simplement Simone Alma avec C'est un tango. Tango, tango, les accords fantastiques. Tango, tango, du tango pathétique. Tango, tango, vont retentir en écho. Tango, tango, tous les archers du monde. Tango, tango, dans la nuit se répondent. Tango, tango, ils se répondent. Tango. Tango des bonheurs en fleurs, ou qui s'achève, tango des amants de cœur, aux joies trop brèves, tango des amours tout court, tango du rêve, tango magique et tango tout court. Tango, tango, d'un soir à Monte Carlo, tango, tango, les souvenirs vous parlent, tango, tango, laissez passer le tango. Côté de la Bastille, les costauds avec leurs filles font les figures du quadrille. Tango, tango. Et à Saint-Germain-des-Caves, les jazzmen, quand ils sont braves, font des breaks pour ceux qui se lavent. Tango, tango, tango, tango, en Seine-et-Oise. Oh, oh, oh, tango, tango, la petite bourgeoise. Oh, oh, oh, prend un porto chez le professeur de tango. Tango, tango, chez la marquise Kise, un gigolo d'allure exquise acquise dans un tango, mais son alpha Roméo. Et pendant ce temps, ce soir à la Varenne, le cœur éclatant d'espoir, de joie sereine, Antigone de 20 ans dans le noir embrasse sa reine en jurant de l'aimer pour toujours. Tango, tango, tous les archers du monde. Tango, tango, dans la nuit se répondent. Tango, tango, ils se répondent. Tango. Fantastique tango, tango, du tango pathétique. Tango, tango, s'en vont mourir en écho. Voilà donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on écoutera un morceau de Maurice Chevalier. Et bien, le voici avec le titre Les Projets. Ils vendaient le matin le long des magasins, les chants, les carreaux, les parisiens. Ils vont en sifflotant, ils vont en bavardant, commencer la journée en souriant. Les parigots sont des gens de Paris, leur bonne humeur est sans égal, qu'ils soient bourgeois, ouvriers ou titi, les parigots sont les moineaux du Grand Paris. Ta, ta, ta, ta. Dis donc, hey, qu'est-ce que t'as fait de ton dimanche, toi, hier? Ben, j'étais au Veldiv, j'ai dévoilé le môme Girardin. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il a affilé dans le baba, alors? Ça, c'est pas un champion en vaseline, alors. Oh, le gars, les parigots sont les moineaux du Grand Paris. À pied, tout en flânant, ils ont des mots charmants pour les chauffeurs qui sont au volant. Mais s'ils ont une auto, ils ont bien d'autres mots pour traiter les piétons comme il faut. Les parigots sont des gens de Paris, se disputer, c'est leur affaire, vrai soupolet. Mais c'est bientôt fini, les parigots sont les frondeurs du Grand Paris. Ta, ta, ta, ta. Eh dis donc, eh, on va faire attention, eh, tu m'as foutu de la boue là, avec ta pissotière. Ma pissotière, non mais il te prend tout le boulevard à toi, eh, tête de lard, descends un peu et eh, que je t'enfile un dans la pêche. Les parigots sont les frondeurs du Grand Paris. Les petits et les grands ont un accent traînant que l'on peut distinguer en passant. Mais il suffit d'aller un jour à l'étranger pour savoir ce qu'il peut nous manquer. Les parigots sont des gens de Paris. Quand ils discutent, on croit qu'ils chantent. Je vais imiter le son du gazouillis font en parlant de gare et faubourg de Paris. Ta, ta, ta, ta. Hey. Les parigots sont les chanteurs du Grand Paris. Au revoir. Chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Demain, on sera donc eh bien samedi, voilà, donc déjà pour le week-end. Donc, eh bien, juste après Christine, donc à partir de 11h jusqu'à 14h, vous allez retrouver l'émission Arc Music Info avec Sébastien et moi-même pour l'émission Arc Music avec des invités. Il y en aura au moins 4 ou 5 invités, voilà. Et puis donc, juste après, il y aura entre 14h jusqu'à 16h, les samedis latinos avec Sabrina. Et puis juste après, entre 16h et 18h, le petit bal du samedi soir, Michel. après, vous allez retrouver eh bien l'équipe du sport avec tout simplement Amer Giraud et Bruno entre 18h et 20h, porte ouverte au sport. Et puis, juste après eux, à partir de 20h. Deux heures de show avec Karim Nordine. Tous les samedis soirs, 20h, 22h, sur Radio Arc-en-Ciel, Orléans. Et donc, pour le dimanche, à partir de 8h jusqu'à 10h, eh bien, vous allez retrouver Antonio et Mathieu avec Quentin Dougano. Et puis, juste après eux, eh bien, ce sera l'équipe de vous-même qui vous fera une émission avec le téléphone sonne. Donc, c'est à vous de choisir les chansons que vous voulez avec entre 10h et 12h30 avec tout simplement Katia, Lionel, Alex, Jérôme. Donc, eh bien, vous faites tout simplement le 02 38 43 48 00. Puis donc, c'est à vous de choisir les chansons préférées pour vous. Aussi ça. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière. Et partout, attendons le grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. Vous me disiez en me voyant d'un ton bonhomme: voyez-moi ce sacré petit drôle. Le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Car la scène est une amante bal de l'amour, profitons des beaux jours. Les beaux jours ici-bas s'en vont sans retour. Si tu veux le bonheur, laisse bercer ton cœur. Au son d'une valse, il n'est rien de meilleur. Entends-tu cette chanson troublante? C'est notre amour qui chante, qui chante. Écoutons-le toujours quand il nous dit bonjour. Viens au bal de l'amour. Un amour de FM. Voilà donc un retour avec les chansons souvenirs. Et voici donc Danny Doberson envoie la musique. Qui soupirent, tant pis pour les amoureux. D'ailleurs, ils n'ont rien à se dire, ça vaut sûrement mieux pour eux. Vas-y, envoie la musique, vas-y, secoue l'instrument. Mais nous, n'importe quelle musique, pourvu que ça fasse du boucan. Vas-y, envoie toute la gamme, et puis débouche le vin blanc. Ce soir, j'ai du vague à l'âme. Ce soir, ça fait juste un an. Et lumière, première et dernière fois, ça sera l'histoire tout entière d'un soir qui n'est plus qu'à moi. Vas-y, envoie la musique, au diable les économies, c'est pour un gala unique, et je veux que ça fasse du bruit. Ça se fait un anniversaire, et j'ai voulu le fêter. Pourtant, puis l'année dernière, je suis seul. À me rappeler que l'on m'a dit, c'est toi que j'aime, que l'on m'a dit, c'est s'appelle tout simplement Eddie Constantine avec mon beau vieux phono. Mon bon vieux grand-père qui était comédien quand j'étais gamin chantait ce refrain. la la la, tout en remontant avec précaution la petite manivelle d'un vieux fourneau à pavillon. Sur mon fourneau, mon vieux fourneau, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois. Je vois Paulus, Mailleul, les rois du musical, Panem, Narquois, qui chantaient les petits pois. Sur mon fourneau, mon vieux fourneau, sans me déranger, je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau. Sur mon fourneau, mon vieux fourneau, mon vieux fourneau. Par un soir d'hiver, pour une grande tournée, grand-père est monté au ciel étoilé. Et j'ai hérité au pas de ses millions, mais de son métier et du fourneau à pavillon. Sur mon fourneau, mon vieux fourneau, comme autrefois, quand j'ai le cafa, je mets un rouleau, alors ma foi, je donne un tour de clé à son cœur de métal. Et de son côté, il me remonte le moral. Et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche. Et je suis prêt à mettre au clou ma montre et mes bijoux. Mais sûrement pas, je vous le dis tout haut, mon vieux fourneau. Et nous resterons, c'est bien certain, unis comme les doigts de la main. Car mon fourneau, mon vieux fourneau, oui mon fourneau, mon vieux fourneau, qui a connu mes joies, mes chagrins, c'est mon copain. Sinon que Lina Andrea avec téléphone-moi chérie. Si votre ciel se fait soudain moins bleu, téléphonez-moi chérie. Téléphonez-moi. Et si parfois la vie vous lasse un peu, téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. Je suis pour vous l'ami à qui toujours on avoue bien simplement ses joies et ses peines, comme c'est long, trop long, oui, tout un jour, quand moi de vos bras j'attends la plus douce des chaînes. Mais si le ciel pour vous est toujours bleu, ne m'oubliez pas chérie, téléphonez-moi. Un jour sans votre voix est un jour malheureux. Téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. Je resterai l'ami à qui toujours on avoue bien simplement ses joies et ses peines, qui le seront longs, trop longs pour moi les jours, n'ayant plus le lien charmant de vos bras qui m'enchaînent. parti est là-bas. Ne m'oubliez pas, chérie. Téléphonez-moi. Mais si vous vouliez revenir comme autrefois, ne me téléphonez pas. Revenez vers moi. Voici donc Robert Ripa avec Si je savais. Si tu savais, toi qui ne connais que le gris de ce Paris, qu'il est un pays merveilleux où je suis né, où j'ai vécu bien des années. Si tu savais, toi qui ne connais que l'amour au ciel de pluie, combien la mer a de reflets et de couleurs que tu ne pourras oublier. Je t'emmènerai, je t'emporterai, et nous referons tous deux un monde infini. Fait de nos deux vies, tout éclaboussé de bleu. Si tu savais, quand le printemps vient doucement comme un enfant, offrant sa tête ensoleillée à caresser, donnant sa main comme un baiser. Si tu savais, comment l'été vient tout d'un coup tout écrasé, quand l'air soudain se fait plus lourd et que l'amour te sort du cœur comme une fleur. Si tu savais comment le sable entre les doigts coule bien mieux que tout ce temps organisé et capricieux qui pense qu'à nous faire vieux. Je t'emmènerai, je t'emporterai au cœur de ma vie d'enfant. Je te bercerai, je t'enroulerai dans les plis géants du vent. Je te donnerai, je t'apporterai ce dont tu rêvais, enfant. On se mariera sur la plage en bas, donne-moi la main et viens. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Chante à perdre la voix. Danse, gypsy, danse, gypsy, pense à mon cœur, gypsy. Danse, gypsy, danse, gypsy, pense à l'amour. Vol, gypsy, douce et frivole, gypsy. Moi, le bonheur m'a guidé. Flamenco, tu la griffes d'un écho. la moelle éloigne encore. Danse, gypsy, danse, gypsy, pense à mon cœur, gypsy. Danse, gypsy, danse, gypsy, pense à l'amour. Folle, gypsy, folle, gypsy, douce et frivole, gypsy. Moi, le bonheur m'a quitté pour toujours. Tout au bout de la semaine. Et puis juste après là, on écoutera Georges Guettari avec Si tu crois. Lundi je m'embête, mardi ça ne va pas. Choses qui m'embêtent, je les laisse au coin, je chante à tue-tête mon petit refrain. Wow. Lundi avec fièvre, je pense à tes yeux, mardi à tes lèvres ou bien à tes cheveux. Jeudi, je respire le parfum de ton mouchoir. Samedi, je peux dire, je le verrai ce soir. Lundi, c'est que je t'aime. Mardi, de tout cœur. Mercredi, de même. Jeudi, c'est le bonheur. Nous avons quelle veine mélangée désormais. Dimanche et la semaine, dans un accord parfait. M'attend l'amour, ça me donne de la veine pour mes huit jours. Je me suis dit c'est trop bête d'être si loin. Quand en tête à tête, on est si bien. Tout au bout de la semaine, m'attend l'amour, m'attend l'amour. M'attend l'amour. t'adore, m'adorer bien plus encore. Alors, alors, viens, viens m'aimer. Si tu crois que ta voix d'ange me dira des choses étranges, alors, alors, viens me parler. Ne crois surtout pas que l'amour est un jeu, oh non. Et s'il n'a pas de loi, il est fier de son nom. Si tu crois que sur tes lèvres je pourrai calmer ma fièvre, alors, alors, viens m'embrasser. De ci, de là vont tous les cœurs d'amants, par-ci, par-là vont tous les beaux serments. Qu'à un cas s'en vont parfois les ans, mais surtout n'en fais pas autant. De ci, de là cueille au printemps les fleurs, par-ci, par-là prends les plus belles heures. Qu'à un cas va t'en cacher des pleurs si tu ne vois pas le bonheur. Si tu crois que c'est au bal que je suis ton idéal, alors, alors, viens, viens danser. Si tu crois que pour te plaire je dois parcourir la terre, alors, alors, viens voyager. Maintenant tu sais tout ce que je ferai pour toi. Et maintenant je sais que je n'attends que toi. Et voici que tes mains douces sont plus douces que la mousse. Alors, alors, viens, c'est gagné. Chérie, si tu me crois, alors, alors, on peut s'aimer. Voici Jean Costanto et le titre s'appelle « Mélodie perdue ». Mélodie de jours heureux, tu es restée là-bas, sous les toits d'un vieux faubourg où les amours sont rois. Piano venait la nuit dans notre nid là-haut, nous bercer jusqu'au petit jour d'une mélodie d'amour. Mélodie des jours heureux, tu es si loin, si loin. Seul ami d'un rêve enfui au paradis perdu. Tu n'es plus, tu n'es plus rien qu'un vieux refrain connu qui s'enfuit et traîne les rues. Je ne t'entends plus, tu as disparu. Toi, ma mélodie perdue. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Janine Michel avec le titre Et que ça dure. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Et sera, sera, qui vivra, verra. On vit grandir et puis rêver la jeune fille qui demandait. Dis-moi, mamie, si j'aimerais. Et sa maman disait. Qui vivra verra. Quand vint l'amant de ses amours, la demoiselle lui demanda. M'es-tu fidèle jusqu'à toujours? Et le garçon chanta. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. Qui vivra, verra. Quand elle chante à son enfant, dans un sourire, cet air charmant, c'est pour lui dire que dans la vie, rien n'est jamais fini. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera. Est un peu trop vite. Normalement, elle devrait être après cette chanson-là de Janine Michel avec Et que, voilà, que ça dure. Voilà, donc la voici. Donc, on écoutera juste après elle, et bien tout simplement, une des chansons de Yvette Giraud avec Moi, mes souvenirs. Donc, voici donc la chanson. Que ta main ne quitte jamais ma main, que ton cœur soit toujours près du mien, que monsieur le soleil brille toujours pareil, et puis que ça dure, que le jour ne se perde jamais la nuit, que la nuit retrouve toujours son lit. Et qu'en se couchant, la ville et les champs s'écrient à la revoyure. Noir ou blanc, qu'on ait tous notre pain. Blanc ou noir, qu'on soit tous des copains. Que les hivers soient aussi beaux que les printemps et comme hier. Que demain, en me réveillant, ton sourire me dise bonjour. Et puis, que ça dure longtemps. Et puis, que ça dure toujours. Voilà tout ce que je demande à la vie, ni plus ni moins. Et si le destin ne donne rien pour rien, moi je veux bien. Il me reste quelques peines qui ne m'étaient pas dues. Vivement qu'ils les reprennent et ne reviennent plus. Que ta main ne quitte jamais ma main. Que ton cœur soit toujours près du mien. Que monsieur le soleil brille toujours pareil. Et puis que ça dure. Que le jour ne se perde jamais la nuit. Que la nuit retrouve toujours son lit. Et qu'en se couchant, la ville et les champs s'écrient à la revoyure. Noir ou blanc, qu'on ait tous notre pain. Blanc ou noir, qu'on soit tous des copains. Que les hivers soient aussi beaux que les printemps aient comme hier. Que les filles tiennent leur serment, que les gars leur fassent la cour. Et puis que ça dure longtemps. Et puis que ça dure toujours longtemps comme nos 20 ans. Toujours comme notre amour. Moi, mes souvenirs ne tourmentent pas mes nuits. Je n'ai pas de tragédie le long de ma vie. Tant pis, moi, mes souvenirs, je peux vous les raconter. Je n'ai pas de lourds secrets le long de ma vie passée. Là qu'ils se bousculent, je leur crie, ne poussez pas. Même l'air ridicule, moi ça ne m'attriste pas. Moi mes souvenirs, je les chante sur les toits. J'aimerais les vivre encore pour la deuxième fois. N'en a qu'un seul qui me peine, mais je l'ai presque oublié. Il parlait comme un poème, toujours, toujours je t'aimerai. Moi, mes souvenirs me connaissent et m'apprécient. Ils ne se permettent pas de bouleverser ma vie. Moi, mes souvenirs, je les ai bien élevés. La tenue est de rigueur pour tous les défilés. Amour de jeunesse, aux vieux vestons démodés. Bouquet de caresses, aux rubans décolorés. Moi, mes souvenirs, j'en ai fait de vieux amis. Des amis qui constituent le meilleur de ma vie. Moi, mes souvenirs, je les aime, ils sont heureux. Je n'ai pas de tragédie, tant mieux. Le samedi soir à Paris, quand la semaine est finie, les rues s'éclairent dans la ville entière, tout semble être rajeuni. Il y a de la fête dans l'air, les ciné font des affaires, les cafés regorgent, les amours se forgent et les bonnes gens se sourient. On est moins pressé, chacun veut goûter une détente méritée. Le dimanche est là qui vous tend les bras. On se dit, je peux m'en donner, demain je ferai la grasse matinée. Les poches plus ou moins garnies pour pousser la belle vie. La belle vie pour garçons et filles et pour les familles. Le samedi soir à Paris, à Paris. Le samedi soir à Paris, y'a de la joie dans les taxis. Qu'est-ce qu'il trimballe, ah qu'est-ce qu'il déballe. Entre Pigalle et Clichy, entre Pigalle et Clichy. Vers minuit le populot se retrouve dans le métro, faisant la critique avec des mimiques d'un spectacle plus ou moins beau. Il y a aussi l'étranger ravi, oubliant sa diplomatie, criant vive regard amusé d'un sergent de ville pas trop blasé. Le samedi soir à Paris, quand la semaine est finie, toutes les rues s'éclairent, tous les cœurs s'espèrent. Le samedi soir à Paris, le samedi soir à Paris, de partout l'amour fleurit. Midi neuf sages, garçons à la page, peuvent devenir femmes et maris. Le samedi soir à Paris. Viens à la Gambille, tu verras des filles qui frétillent des gambettes. Viens danser au Val-Musette. Viens à la Gambille, écoutez les trilles de ma petite Java. La Java, c'est ça qui me va. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas. Y'a pas au-dessus de ça. Il n'y a plus de frappe au quartier des Trois Temps. Pourtant on y attrape au cœur à bout portant. La mort sur d'une trille et l'on passe la vie à trépas. Si l'on manque le pas, si l'on manque le bras, le plafond part en vrille dans le ciel tout là-bas en tournant comme ça. Viens à la Gambille, tu verras les filles qui frétillent les gambettes. Viens danser au Val-Musette. Viens à la Gambille, écoutez les trilles de ma petite Java. La Java, c'est ça qui me va. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas au-dessus de ça. Y'a pas beaucoup de place, alors on se tient tout près. On serre, on s'embrasse, et de la tête aux pieds, on se fait des surprises, et l'on chavire, vire un petit pas, on s'envole, on s'en va, et on perd sa chemise, et sa tête, il s'ébat, en tournant comme ça. Viens à la Gambille, tu verras les filles qui frétillent les gambettes. Viens danser au Val-Musette. Viens à la Gambille, écoutez les trilles de ma petite Java. La Java, c'est ça qui me va. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas au-dessus de ça. Je suis pressée, je n'ai pas le temps de tuer le temps, ni de rêvasser. Je fais du sport, je bats les records, et j'ai le corps comme un ressort prêt à sauter. Je suis pressée, vers le printemps, quand vient le printemps, j'attends l'été. Quand c'est l'été, je n'ai qu'une idée, c'est de voir l'automne et l'hiver arriver. Pour aller de Deauville jusqu'à la nation, je trouve que le métro n'est pas une solution. Les taxis déambulent comme des colimaçons. Moi j'ai mon avion à réaction. Je suis pressée, je suis désolée. Si ça vous choque, je suis de mon époque. Et les musées, les mots croisés, c'est pas pour moi, je suis pressée, pressée, pressée. Je l'ai rencontré chez des amis, il avait l'air un peu bêta. Il m'a dit, oh, ce que vous êtes jolie, voulez-vous danser ce tango avec moi? Oh, vous savez le tango, moi, j'aime pas tellement ça. J'aimerais mieux danser un mambo, un bebop, hein? Non? Admirez cette belle nuit, tout respire la poésie. Je lui ai dit assez. Je suis pressée, je n'ai pas le temps de tuer le temps, ni de rêvasser. La poésie, c'est très gentil, mais l'on ne se plus autant de monsieur de Musset. Je suis pressée, est-ce que je vous plais? Je vous fais de l'effet, et bien c'est parfait. Filez, filez, allez chercher tout vos papiers et prévenez le maire et le curé. Et puis avant de m'asseoir, il faut que vous trouviez un bon petit 5 pièces près des Champs-Élysées. C'est un petit détail, mais il faut y penser. Attention, vous êtes prêts pour partir. Mais je vous préviens, je veux des enfants, des petits, des gros et des frisés. Comme je suis pressée, j'ai décidé. Pour commencer, on se paierait des quintuplés. Mon fiancé, soudain s'est levé, a éclaté d'un rire démoniaque. Puis il m'a dit, oh non merci, l'année dernière j'ai déjà eu le prix cognac. Cognac? Oh cognac! Barman, pour moi ce sera un citron pour essayer naturellement. Tous les mots se ressemblent, les mots du clair de lune et les mots du soleil, les mots de tous les jours, les mots de tout le monde, ceux qui traînent la rue et ceux du ciel. Cet instant de vérité, que le désir, que le besoin de vivre ensemble, et les serments prennent des airs d'éternité. Quand on parle d'amour, quand nos joies se répondent, ne me les mots de tous les jours, les mots de tout le monde, que d'autres avant moi t'ont appris. Oublie, oublie tout ça, nous sommes dans ta chambre et je chante d'amour entre tes bras. Ensemble, les mots ne comptent plus. Embrasse-moi. C'est aussi ça. Thank you.

chagrins, nos soucis de demain. Tout ce qui n'est pas heureux, chantons, c'est beaucoup mieux. Chantons, c'est beaucoup chansons souvenirs, et voici tout simplement Luis Moreno avec Darling. Oh Miss Mary, excusez-moi, mais chaque fois que je vous vois, je ne sais pas ce que j'ai, que j'en oublie tout mon anglais. Darling, je vous aime beaucoup, je ne pense plus qu'à vous, vous avez complètement volé mon cœur. Matin, midi et le soir, je revois votre regard, et cela suffit pour mon bonheur. Ah chérie, my love pour vous est très très fort. Where my English bien meilleur, je dirais plus encore. Mais j'espère d'adieu compris, ma chérie, quand je vous dis darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes I do. Darling, vous êtes très jolie, je vous aime à la folie, et je suis absolument dans les traces. Tout le temps j'espère que vous dream of me very beaucoup. Ah chérie, je pense c'est de la chance. Quand nous sommes tous seuls, un duoir dans mes bras. Je remercie le bon Dieu pour le charme que tu as. Dis-moi, do you love aussi? Je suis happy si c'est oui. Darling, je vous aime beaucoup. I do love you. Tout seul, un duoir dans mes bras. Je remercie le bon Dieu pour le charme que tu as. Dis-moi, do you love aussi? Je suis happy si c'est oui. Darling, je vous aime beaucoup. I do love you. Darling, je vous aime beaucoup. Beaucoup. Une radio pour moi? Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc les piles avec 16h52 minutes. Eh bien voilà, l'émission va terminer gentiment bientôt. Voilà donc, n'oubliez pas qu'à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission Flando. Et puis juste après, ils sont de Paul et Manu. Avec Pluriel, et puis juste après, entre 20h30 jusqu'à minuit, avec Albino. Voilà, et puis n'oubliez pas que pour demain, nous sommes le samedi 19, et puis donc à partir de 18h, avec l'art de la musique, avec MAM, il y a tout simplement à partir de 18h un concert avec les chorales chants. Donc, si vous voulez insister, vous pouvez y aller. Et donc, pour tous les renseignements, c'est le 07 71 13 45 59. Voilà, puis donc demain, eh bien, nous sommes avec Sébastien pour l'émission Arc Info. Donc, il y aura aussi des sorties, voilà, que je vous donnerai pour le week-end et puis ainsi pour la semaine. Voilà. Voilà, donc on va terminer l'émission avant de se quitter. Tout simplement, elle s'appelle tout simplement Marie Candido, et puis le titre s'appelle Une petite étoile. Donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes, et puis à la prochaine. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon. Le bruit aussi sur ta maison. Séparée de toi, je pleure, mais comme tu l'as promis, ton regard à la même heure s'est posé sur elle aussi. Qui pourrait donc mieux comprendre offrir le reflet tendre de tes grands yeux bleus. Et je confie la promesse de t'aimer mieux chaque jour avec mes folles caresses à l'étoile de notre la ville. Je cherche par-dessus les toits un petit clou d'or qui scintille pour lui parler un peu de toi. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon, et cette petite